Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Cette semaine, d'Auschwitz à Francfort. Un homme en révolte. Deutschland ist heute stolz, die Heimat Goethes und Beethovens zu sein. L'Allemagne est fière d'être la patrie de Goethe et de Beethoven. Toutefois, l'Allemagne est aussi le pays d'Hitler, d'Eichmann et de leurs nombreux acolytes et complices. Im Oberlandesgericht Braunschweig wurde ein Prozess gegen den ehemaligen Generalmajor Remer geführt. In alten Zeiten. En des temps plus reculés, les Allemands n'étaient absolument pas prêts à obéir aveuglément à leurs souverains. Dans les ouvrages de droit écrits au Moyen-Âge, on peut encore trouver cette phrase fondamentale « En pays allemand, chacun est tenu de résister à son empereur ou à son roi si ce dernier commet des injustices ». Second épisode consacré au magistrat Fritz Bauer qui, pour rappel, a été l'homme qui a déclenché le procès baptisé Auschwitz dans une Allemagne dont l'administration est encore en grande partie composée d'anciens membres et hauts cadres du parti nazi. L'omerta y est donc absolue. Il y aura eu le procès de Nuremberg 15 ans plus tôt et depuis, beaucoup estiment qu'il faut tourner la page, penser à l'avenir de l'Allemagne, ne pas remuer le passé. Cette pensée est majoritaire dans une certaine classe d'âge. Et pourtant, Fritz Bauer, qui est né dans une famille swab, le 16 juillet 1903 à Stuttgart, appartient bien à cette génération, celle qui veut oublier. En 1933, Bauer est démis de ses fonctions de magistrat à cause de ses opinions politiques. De même, à cause de ses origines, il est juif. Personne ne sait à l'époque qu'il est homosexuel. Avec sa famille, il fuit l'Allemagne nazie. En 1936, il réussit à se réfugier au Danemark, puis en Suède. Ses opinions politiques, c'est un social-démocrate, d'où lui viennent-elles ? Il se les est forgés bien des années avant, à l'adolescence. C'est ce qu'il confie en 1967 à la Westdeutscher Rundfunk au micro de la journaliste Renate Harpnecht, elle-même rescapée des camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen, matricule 70-159. Quand avez-vous commencé à vous intéresser à la politique? J'étais à l'école et j'étais certainement un jeune homme nationaliste, comme c'était dans l'air du temps à l'époque. Pendant la guerre, j'ai eu la scarlatine. Ça devait être en 1914. Ce qui m'a rendu très malheureux, parce que je n'avais pas pu faire avancer les petits drapeaux blancs et noirs sur les immenses cartes qui étaient accrochées dans ma chambre. D'abord, à cause de la scarlatine, puis, plus tard, par la faute de la bataille de la Marne, qui s'est soldée par une défaite. Pendant la guerre, environ jusqu'en 1918, j'étais un nationaliste convaincu, conformément à ce qui était attendu au gymnase que je fréquentais. Ensuite, cette conviction a été ébranlée en octobre ou au début du mois de novembre. Pas uniquement la mienne, mais celle de mes camarades également. Nous avions des enseignants de l'ancienne Allemagne, je m'en souviens très bien, car l'un d'entre eux donnait des cours d'appui à l'un de mes camarades de classe qui s'appelait Constantin von Neurath. Par la suite, son père est devenu ministre des Affaires étrangères. À cette époque, il était premier conseiller du roi. Mon camarade von Neurath était si doué qu'il avait même besoin de cours d'appui en géographie. Voilà pourquoi notre enseignant faisait des allers-retours chez le premier conseiller du roi. Il commençait toujours ses cours de géographie par « Comme je le sais de source sûre, Ainsi, fin octobre ou début novembre 1918, il avait appris, de sources sûres, alors que la guerre avait certainement été perdue depuis longtemps et que nous étudions l'Afrique, qu'il était urgemment nécessaire de posséder un pont entre l'Afrique de l'Est allemande et l'Afrique du Sud-Ouest allemande, c'est-à-dire qu'il fallait conquérir tout le Congo belge. Je me souviens encore du geste ample qu'il fit pour mettre l'Afrique dans la poche de l'armée allemande et du Reich. C'est à ce moment-là que je suis devenu sceptique. Quelques jours plus tard est arrivé le 9 novembre avec l'effondrement de l'Empire allemand. À l'époque, cet enseignant monta sur son estrade et déclama les paroles de Guillaume Tell. Un saut depuis ce pont et je suis libre. J'avais 15 ans et j'attendais au moins qu'il saute de l'estrade. Il n'a pas sauté. Je dois vous dire qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose sur la différence qu'il y a entre les paroles et les actes. Puis, la révolution est arrivée. Je me souviens que le 9 ou le 10 novembre 1918, j'ai dit à mon père, « Il faut que je voie comment on fait la révolution. » Nous nous sommes rendus à Stuttgart. On est descendu dans la ville depuis le Ehrenberg jusqu'à la Königstrasse. Je tenais absolument à voir comment se passait la réplique de la Révolution française à Stuttgart. Malheureusement, il ne se passa absolument rien. Nous sommes montés et descendus, et très au loin, on a entendu un coup de feu. J'étais profondément malheureux qu'une fois de plus, la révolution allemande se soit passée dans la salle. Le lendemain, je me suis à nouveau rendu en ville avec un camarade d'école, dans l'espoir d'assister enfin à une grande confrontation idéologique. La seule chose qu'on a vue à Stuttgart, c'est un mouchoir rouge noué à l'une de ces statues dorées d'un empereur ou du roi Guillaume, plus précisément à la queue de son cheval. Quand êtes-vous devenu socialiste ? Très tôt, l'un de nos enseignants se revendiquait de la social-démocratie. Il enseignait la philosophie. Par la suite, il est devenu ministre de l'Éducation et des Affaires culturelles du Land. Je me demandais pourquoi cet homme, qui avait des connaissances considérables, qui m'a profondément influencé sur le plan de la pensée philosophique, était socialiste. Cette pensée me taraudait. Je me suis mis à lire la littérature révolutionnaire. J'ai commencé par Ernst Toller et d'autres expressionnistes de la même veine qui lançaient leurs cris pacifistes. Je me souviens de la transformation de Toller. Sa lecture m'a profondément secoué parce qu'elle m'a ouvert à un monde entièrement différent et nouveau. Ensuite, je suis parti faire des études. À Munich, j'ai vécu les émeutes national-socialistes, la première apparition du NSDAP, le Parti national-socialiste d'Hitler. Je me souviens des immenses affiches rouges vifs qui portaient une inscription que tout le monde pouvait lire, ce que personne ne doit nier aujourd'hui. Entrée interdite aux Juifs. J'ai vu les défilés provocateurs des nationaux-socialistes et, alors que j'étais à Munich avec des amis, j'ai vécu la mort de Walter Rathenau. Walter Rathenau, assassiné à Berlin le 24 juin 1922. Er kam und wir waren tief erschüttert und wir hatten den Eindruck, dass die Weimarer Demokratie, an der unser Herz hing, sa mort nous a bouleversés, parce que nous avions l'impression que la démocratie de Weimar, qui nous tenait à cœur, tout comme les libertés fondamentales, était menacée. L'expression de notre désarroi a consisté à partir immédiatement dans les Alpes en se demandant comment agir. Que pouvions-nous faire? Ça ne pouvait pas continuer comme ça. C'est en altitude, dans notre repère des Alpes bavaroises, ou peut-être autrichiennes, que nous avons écrit une lettre à l'intention de Thomas Mann. Nous n'avons pas écrit à Gerhard Hauptmann, mais délibérément à Thomas Mann. On savait qu'à cette époque, Thomas Mann appartenait encore ou qu'il était considéré comme appartenant à la droite allemande. On avait l'impression qu'un homme comme Thomas Mann, qu'on aimait par-dessus tout et qui a marqué notre jeunesse depuis la lecture de Tonio Kröger, ne pouvait pas, n'avait pas le droit de se taire. On avait la certitude que Thomas Mann nous soutiendrait. On a reçu une réponse, je ne l'oublierai jamais. C'était une lettre de Thomas Mann, écrite de sa main, avec des corrections à chaque ligne. Voilà comment Thomas Mann écrivait. Même dans une lettre à des étudiants, il luttait pour chaque mot. Il biffait, écrivait par-dessus, biffait ce qu'il avait écrit par-dessus et corrigeait à nouveau. Le contenu disait que nous avions raison, qu'il était avec nous. Si toutefois nous lui demandions de s'exprimer à Munich, il était débordé, mais qu'il allait bientôt s'exprimer publiquement. Ça a été son discours sur la République allemande. La République est une destinée en regard de laquelle amor fati, l'amour du destin, est la seule attitude qui convienne. Ce mot n'est pas trop solennel, parce qu'il ne s'agit pas là d'une destinée légère. La soi-disant liberté n'est ni une plaisanterie, ni une partie de plaisir. Mais ce n'est pas là où je veux en venir. Son autre nom est responsabilité. Un mot qui dit bien qu'elle est plutôt une lourde contrainte, particulièrement pour les intellectuels. L'État est devenu notre affaire à tous. Nous sommes l'État. Et de larges pans de la jeunesse et de nos citoyens haïssent cette situation du plus profond de leur âme. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils lui dénient la possibilité d'exister, principalement parce qu'il ne s'est pas construit par la victoire, ni par le libre arbitre d'une consultation nationale, mais par la défaite et l'effondrement, paraissant ainsi le rendre indissociablement lié à l'impuissance, la domination étrangère et la honte. Nous ne sommes pas la République. La République, c'est la domination étrangère, me disent ces patriotes qui se détournent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais tout d'abord, ce que dit ce poète est vrai aussi. Un homme peut tout ennoblir, tout rendre digne de lui, s'il le veut. C'est très vrai, très beau, et de surcroît, c'est l'expression assez fine d'une virtuosité à vivre. Ensuite, et je vais insister lourdement, il est complètement faux de dire que la République, en tant que fait intime, je ne parle pas ici du droit public, est le produit de la défaite et de la honte. Elle est le fruit de l'ennoblissement et de l'honneur. Haben Sie als Kind oder als junger Mann unter Antisemitismus zu leiden gehabt? Est-ce qu'enfant ou jeune homme vous avez été confronté à de l'antisémitisme? Das erste mich völlig unerwartet treffende Erlebnis war in der Elementarschule in der ersten Klasse. Le premier événement tout à fait inattendu qui m'a touché s'est produit à l'école primaire, en première année. J'avais exactement 6 ans. L'instituteur nous montra une boîte à bec de plume, comme ceux qu'on utilisait à l'époque. Il demanda « Que contient cette petite boîte ?» Tous les écoliers crièrent « Un bec de plume !» Bien entendu, ce n'était pas le cas. L'instituteur poursuivit « Non, elle ne contient pas de bec de plume. Qu'est-ce qu'elle contient ?» J'ai levé la main et j'ai dit « De l'air !» C'était la bonne réponse. Et il m'a fait cadeau d'une plume. À la récréation, une partie de mes camarades de classe me sont tombés dessus en me cherchant querelle. C'est dans ce contexte que l'un d'entre eux, ou peut-être même plusieurs, me crièrent « Tes parents ou ta famille ont tué Jésus ». Je ne l'ai pas du tout compris. Je suis rentré en pleurant à la maison et j'ai tout raconté à ma mère qui a essayé de me consoler. À 6 ans, j'ai commencé à souffrir de ce qu'on appelle aujourd'hui le sentiment de culpabilité collective. Je ne le comprenais pas. Cet événement a d'ailleurs aussi contribué à ce que, plus tard, je pensais pouvoir faire bouger les choses sur le plan juridique. À l'époque, je souffrais de l'injustice qui règne dans le monde. Bien sûr, par la suite, je n'ai pas été épargné par ce type d'événement. Ma scolarité s'acheva, les chemins des uns et des autres se séparèrent. Dans les années 1920, il y avait déjà des réglementations ariennes dans les associations allemandes. Mes camarades de classe sont allés étudier à Tübingen et moi à Heidelberg pour éviter toutes les difficultés. Ces épisodes existaient, c'étaient les signes avant-coureurs des expériences qu'on allait vivre dans le Troisième Reich. L'homme dont il va être question dans la suite de cet entretien entre Fritz Bauer et la journaliste Renate Hartnecht, rescapée des camps, entretien donné à la Westdeutsche Rundfunk en 1967, est Kurt Schumacher, un personnage central de la politique allemande, notamment au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Kurt Schumacher prendra la tête du SPD au lendemain de la guerre, pour quelques années seulement. Quelques éléments biographiques. Kurt Schumacher naît en octobre 1895 à Kulm, près de l'Empire russe. Kulm compte 11 000 habitants à la fin du 19e siècle. La moitié sont polonais. Fondé en 1231 sur la rive droite de la Vistule par les chevaliers de l'ordre teutonique, cette petite ville devient polonaise en 1446, puis prussienne en 1772, lors du premier partage de la Pologne. Elle vit du commerce avec la campagne environnante. Après le Kulturkampf de Bismarck au début de l'Empire, des tensions entre les Allemands protestants et les Polonais catholiques se manifestent à Kulm. Avant la fondation de l'Empire, ces Polonais se définissaient comme des citoyens prussiens de langue et de culture polonaise. Depuis 1871, ils sont soumis à une germanisation systématique qui les perturbe. Sensibilisés très tôt aux questions ethniques et aux problèmes de nationalité, Kurt Schumacher en vient rapidement à considérer que l'État national doit reposer sur un sentiment d'appartenance volontaire à une communauté étatique. Partisan d'une conception tolérante de la nation, riche de son hétérogénéité, il récuse l'approche ethnique. Il plaide pour la garantie des droits ethniques et confessionnels des minorités au nom d'un État qui doit remplir sans discrimination toutes ses fonctions à l'égard de ses habitants. Le jeune Kurt Schumacher est un lecteur assidu de Merz, un hebdomadaire libéral de gauche édité par l'écrivain Hermann Hesse, favorable à la démocratisation du Reich. Herr Dr. Bauer, Sie waren mit Kurt Schumacher befreundet. Wann und wie lernten Sie sich kennen? Dr. Bauer, vous étiez un ami de Kurt Schumacher. Quand et comment vous êtes-vous rencontrés? Als junger Mensch kam Kurt Schumacher nach Stuttgart. Er leitete die Sozialdemokratische Zeitung. Ich meldete mich bei ihm, etwa gerade im Zusammenhang mit dem, was ich vorhin sagte, in der Ermordung von Walter Rathenau. Kurt Schumacher est arrivé à Stuttgart, jeune homme. Il dirigeait le journal social-démocrate. J'ai pris contact avec lui au moment de l'épisode dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'assassinat de Walter Rathenau. pris par l'urgence intérieure de faire quelque chose. Il me dit, nous n'avons pas besoin d'universitaires. Même si je le suis moi-même, les ouvriers n'ont pas envie de voir des universitaires. Les prolétaires ont envie de rester entre eux. Mais vous pouvez toujours essayer. Il m'a envoyé dans un club de jeunes socialistes qui étaient extrêmement radicaux. J'y ai prononcé un discours qui a été bien reçu. Par la suite, et jusqu'en 1933, j'ai constamment été aux côtés de Kurt Schumacher. Je faisais un discours, il en faisait tous les week-ends, parfois même 3, 4 ou 5. On se battait notamment en faveur de la constitution de Weimar et contre les extrêmes de cette époque. J'ai ensuite revu Kurt Schumacher en 1933 dans le camp de concentration de Heuberg. En tant que président de la Reichsbanner, Schwarz-Rot-Gold, j'avais déjà été arrêté en mars, immédiatement après l'élection. Kurt Schumacher est arrivé plus tard. C'était en juillet 1933. Au camp, il a été accueilli par des SS qui formaient une haie et qui l'ont battu à coups d'ortie. Il est ensuite arrivé dans ma chambre. Le chef du camp est arrivé et on lui a demandé, comme on nous l'avait demandé à tous, « Schumacher, pourquoi êtes-vous ici ?» Alors que nous avions tous été lâches et que nous avions répondu en nous défilant, Kurt Schumacher a eu le courage de répondre de sa façon habituelle. « Parce que j'appartiens au parti des vaincus. Ceux qui étaient présents en ont eu des sueurs froides. » J'ai toujours admiré le courage de Kurt Schumacher. Après avoir fait cette réponse, et comme nous étions amis, je me suis approché de lui pour lui demander « Combien de temps cette saloperie va-t-elle encore durer ?» Ça faisait 3 mois que j'étais au camp, et je l'avoue, je comptais les heures qui me séparaient de ma libération. Il m'a dit « Je reste ici jusqu'à ce que le nazisme soit passé. Le nazisme sera vaincu quand la guerre sera déclarée, ce qui semble inéluctable. Ça va prendre 10 ou 11 ans. En attendant, je reste ici. » Je dois dire que je n'ai jamais rencontré une personne, même en tant que juriste, qui se soit condamnée elle-même à 10 ou 11 ans avec une telle clarté et une telle rigueur morale. Si Schumacher a survécu à tout ce qu'il a traversé, c'est non seulement parce qu'il était convaincu par ses idées, mais surtout parce qu'il n'avait pas d'illusion et que rien ne pouvait l'atteindre. Par la suite, son internement à Dachau n'a été que la confirmation de ce qu'il s'était imposé à lui-même dès la première seconde. En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu'Adolf Eichmann se cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands préfèrent tourner la page plutôt que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au Mossad, les services secrets israéliens. Bien des années plus tard, Fritz Bauer va être incarné à l'écran dans 2 films d'origine allemande, Le Labyrinthe du silence et Fritz Bauer, un héros allemand. Dans ce 2e film sont abordés l'engagement du procureur Bauer contre son propre pays, se mettant à dos une partie de sa hiérarchie, cette administration allemande étant encore largement noyautée par d'anciens cadres du parti nazi. Ce film est également l'occasion de dépeindre l'homme dans son drame personnel. Comme tous les homosexuels de cette Allemagne des années 60, il est obligé de se cacher sous peine de l'emprisonnement. Le film Fritz Bauer, un héros allemand, sort en 2014. Herr Dr. Bauer, ich möchte Sie fragen, worauf kann man als Deutscher heute noch stolz sein? Wir Deutschen können nicht stolz sein auf Goethe und Schiller. Stolz können wir doch nur sein auf das Gute, was wir selber gemacht haben. Was macht die Suche nach Bormann und Mengele? Da gibt's nichts Neues. Die Suche nach Eichmann. Ich habe leider auch nichts Neues zu berichten, Dr. Bauer. Er kann nichts machen, er ist vollkommen isoliert. Unterschätzen Sie ihn nicht. Ein Mann glaubt, Adolf Eichmann in Argentinien entdeckt zu haben. Obersturmbannführer der SS. Das ist die zentrale Figur. Und was willst du jetzt tun? ihn in Deutschland vor Gericht stellen. Eichmann würde in einem solchen Prozess unzählige Namen im Zusammenhang mit der Endlösung nennen. Bauer hat eine neue Fährte und ich weiß nicht, wen er im Visier hat. Niemand von Bonn bis Washington will Eichmann vor Gericht. Ich habe den Mossad kontaktiert. Die Spur ist eine tote Spur. Eine tote Spur? Das kann nicht sein. Wir beginnen Landesverrat. Verdammt nochmal, Angermann. Wollen Sie Gerechtigkeit? À l'écran, le rôle de Fritz Bauer est confié au comédien Burkhard Klausner. Fritz Bauer a presque à lui seul réussi à promouvoir un débat sain sur le fascisme pour faire bouger la justice en Allemagne de l'Ouest. Il a beaucoup de mérite pour avoir réhabilité les auteurs de l'attentat du 20 juillet, qu'on traitait de traîtres, en expliquant qu'ils étaient des héros. Il a aussi trouvé Adolf Eichmann, qui a dû répondre de ses actes au grand procès de Francfort concernant Auschwitz. C'était la première fois que le public réalisait quels horribles crimes avaient été commis et combien de millions d'êtres humains les nazis avaient tués dans les camps. C'était un homme qui a fait bouger les choses, un guerrier solitaire, un héros. J'ai entendu parler de ce projet et j'ai su que je devais le faire. J'ai donc fait appel à mes compétences pour obtenir ce rôle, car je trouvais terriblement fascinant de jouer un homme à la fois si déchiré et si positif. Le film Fritz Bauer, un héros allemand, est réalisé par Lars Grau. On m'a demandé au début pourquoi je tenais à le faire. Je pense que c'est lié au fait que tôt ou tard, tout réalisateur allemand se préoccupe de cette période folle du nazisme. C'est très difficile de faire un film sur le nazisme en Allemagne. Il faudrait adapter le roman de Jonathan Little, Les Bienveillantes, ou quelque chose dans ce genre. Une figure intéressante et héroïque à laquelle on peut s'attacher, un personnage qu'on peut admirer, n'est pas facile à trouver dans l'Allemagne d'après-guerre. Mais c'est le cas avec Fritz Bauer. C'était une belle tâche d'appréhender l'histoire ainsi et d'avoir l'Holocauste entier dans le sous-texte du récit, mais de ne pas devoir exploiter le thème dans des scènes sur les camps de concentration. Je trouve que Bauer est une figure d'identification rare. Lors d'une projection, une amie productrice m'a dit « C'est ainsi qu'on veut vivre, comme Fritz Bauer. C'est pourquoi c'était génial de faire un film sur lui. » Demain, retour sur Fritz Bauer. Quel mot l'homme, le procureur, jette-t-il sur la société allemande de son temps, sur ce nazisme encore si proche, et comment s'adresse-t-il à la génération d'après? Quant au procès de Francfort, nous en entendrons quelques terribles extraits.